Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Usulul Minhaj Salafi, les fondements du Minhaj Salafi, un cours donné par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi Damaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نكمل هذه الكلمة المختصرة في بيان أصول منهج السلف الصالح رضي الله عنهم ووصلنا إلى الأصل الثاني تحقيق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا يجوز أن مسلما يزيد في هذا الدين ما ليس منه هذا مردود عليه فلدوزيام فوندمو تحقيق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أي لسويفي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد كائنا من كان يغاجوت دي شوز قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد Celui qui fait une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas ordonné de faire, cette œuvre, elle est rejetée. Et cette chose, ça contredit ce fondement. Al-bida ou al-muhdathat. Qala ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufitum. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Suivez Ibn Mas'ud, le compagnon du prophète alayhi wa sallam, il donne un conseil aux muslimines. Et tabi'u, suivez la sunna du prophète sallam. Voilà tabtadi'u. Et n'inventez pas des choses. Pas de kufitum. La sunna du prophète sallam, elle suffit. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين est complet فأنت t'as plus qu'à suivre ce manhaj à le mettre en application avec la sincérité inshallah tu seras à la khair قال الإمام السمعاني رحمه الله إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه أمرنا بالاتباع. On a été ordonné نحن de suivre. وما آتاكم الرسول فخذوه. تقدمت الآية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمسلم il doit suivre فقط. T'as rien à inventer, t'as rien à rajouter. La charia elle est instaurée. Elle est parfaite. أنت تسوي فقط. قال وشعار أهل السنة كلام السمعاني دائما قال اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كلما هو مبتدع محدث هذا شعار أهل السنة الشعار سلام بلم شعار أهل السنة اتباع السنة وترك البدعة هكذا المسلم عقيدة المسلم أنه كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة فيؤمن به ويعمل به بقدر المستطاع هذا et plus la personne y fait plus son iman y monte s'il est sincère son iman il augmente et plus il délaisse plus يعني, ça dépend de ce qu'il délaisse si c'est une obligation ou pas فهذا المنهج السلفي il est basé sur هذا Il est basé sur اتباع النبي عليه الصلاة والسلام tant qu'on peut. فلا تغتر. Comme on a expliqué ce matin et on répète, فلا تغتر. يعني حرب الكفرة. لا تغتر. يعني le combat qu'ils font à ce manhaj. حتى من عجائب الأمور أنهم critiquent ceux qui appliquent ce manhaj. As-salafiyoun, il les critique que c'est des fondamentalistes, c'est des arriérés. Wa min a'jab min hadha anna ba'dahum yantaqid ba'd ha'ula al-kuffar wa man ightarra bihim yantaqid 'ala as-salafiyyin idiz ha'ula ils appliquent la religion à la lettre. Chouf, hadha pour eux c'est un intiqad. Ils appliquent la religion à la lettre. On a expliqué ce matin-là, Boudhad. Et on va déformer, on va rajouter. Abedan, celui qui arrive à appliquer à la lettre, et il est motivé, et il applique le sunan, il s'écarte min al-bid, il est à la khair. As-sahaba, radiyallahu anhum, il faisait tout pour suivre le Nabi, alayhi salatu salam, à la lettre. Allah, subhanahu wa ta'ala, radiya anhum, wa radu anhum. Ala taqtar. بالدعاءات الكفر المجرمين الخبث إذا تأملت si tu réfléchis الخبث الكفار ils ont instauré des choses قوانين طاغوتية ils ont instauré des choses des pensées des idéologies qui combattent l'islam et pour eux tu dois suivre à la lettre celui qui suit à la lettre la démocratie ils diront jamais c'est un fondamentaliste Abedan. Celui qui suit à la lettre la laïcité, ils diront pas c'est un fondamentaliste. Abedan. Hada c'est un harb ala l'islam ou al-muslimin. Fantabih, akhi al-muslim. Fantabih. Hatta hum, quand ils disent, quand ils critiquent anna al-salafiyyin, ils suivent à l'islam à la lettre, comme il était à l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, hum, fil haqiqa, leur but, c'est de rien laisser min hadi sunna al-kafar. حقيقتهم ils ont حارب العقيدة ils ont حارب l'apparence ils ont حارب المنهج ils ont حارب الولا والبراء فالحقيقة eux ils veulent rien de cet islam quand ils disent ils appliquent à la lettre que tu l'appliques à la lettre ou un peu لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فلا تغتر ça c'est كلام فقط كلام pour combattre l'islam حتى مثلا نحن si on leur répond مثلا prends l'exemple du code de la route Le code de la route. Bah, ils ont inventé ce code de la route. C'est important. Hatta l'islam, elle approuve le code de la route. Maintenant, si on dit, bon, ce code de la route, il ne faut pas être fondamentaliste, il ne faut plus le suivre à la lettre. C'est qui 90, tu passes à 200 à l'heure. Mais c'est Yardou. Ils ont mis des radars au kilomètre près. T'as une amende. Le radar, il est fondamentaliste. C'est un calame, il est adjib. La médecine, ils ont des règles précises. Précises. Le médecin, plus il applique ses règles à la lettre, plus il est compétent. Marouf. Ça, c'est dans chaque domaine, c'est comme ça. Chaque domaine, la religion, qu'elle approuve ce domaine ou qu'elle ne l'approuve pas, il y en a des mukhalafat, les règles c'est comme ça. Si tu admets représenter quelque chose ou faire partie d'une chose, tu dois l'appliquer à la lettre. À la lettre. Les horaires, on doit les appliquer à la lettre. Dans les entreprises, tu as des horaires, maintenant tu commences à 8h du matin, tu arrives à 9h moins un quart. Le patron il s'énerve, tu lui dis arrête d'être fondamentaliste. Pourquoi tu prends la lettre 8h, 8h et quart. Eh ben dame, tu viens à 8h01, il est pas content ou quoi. C'est min haqqi. C'est min haqqi, il te donne un salaire, tu viens à l'heure. Ah, dès que c'est venu au manhaj salafi, des gens ils font des efforts. ولله الحمد et ils aiment ce manhaj, ils sont catalogués à la lettre. واش دخلك انت اصلا تكون بهذا الدين الكافر هو يكون بهذا الدين ثم يvient juger fais pas à la lettre, je fais à la lettre ou je fais la moitié ou 1%, tu seras jamais d'accord. ايها الكافر لا تغتر ايها المسلم. Applique ton dîn, applique ce manhaj. Celui qui est content, il est content. Celui qui n'est pas content, nasallah subhanahu wa ta'ala yakfina sharra. Ah, ça c'est important. Ah, ça c'est important. Tu ne regardes pas la vie des autres. Ah, ben, tu regardes si tu es à l'al-haq, accroche-toi. Bin nawajid, comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Kadhalik, min ma yata'allak bi hada al-asl, at-tahdir min ahl al-bida'. Ce fondement, on doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit s'écarter des bid'ah, des innovations. Ça implique que celui qui fait des innovations, yuhadhar min hadhihi al-bid'ah. Al-sunni, al-salafi, il n'accepte pas les bid'ah. Abadan. Il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aime la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la bid'ah, elle contredit, elle combat ce fondement. لا شك أنه لا accepte pas البدع أبدا. كذلك لا accepte pas et côtoie pas أصحاب البدع. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. C'est ça, al-manhaj al-salafi. Al-salafi ne se mélange pas avec le mubtadi'a. Abadan. Abadan. L'annas mubtadi'a, il est malade. Il est malade. Cette maladie, elle a poussé à inventer des choses faites dignes. Si tu le côtoies, tu peux tomber malade. Anta. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil-qulub. Wa qila lil-imam Ahmed. Rahimahullah. Ils lui ont posé la question. الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أي يفعل ses adorations أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. On a cité ce athar pour vous montrer l'importance de ce point عند السلف الصالح contrairement à بعض المميعين في الأزمنة المتأخرة. الإمام أحمد il a posé la question, une personne il fait salat, il fait siyam, il fait l'i'tikaf, c'est mieux ou une personne qui répond à أهل البدع. قال الإمام أحمد إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. Si il fait toutes ces choses, ses adorations, siyam, salat ou l'i'tikaf, c'est pour lui. بإذن الله il aura la récompense. لكن قال وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. نعم لا شك في هذا أن si répond أهل البدع le profit il va être pour lui et pour la أمة. Faites attention, Fulan c'est un مبتدع, il invente des choses, il ment sur le prophète عليه الصلاة والسلام. هذا سينفع وهذا من منهج السلف بالإجماع كما ذكره شيخ الإسلام وكثير من العلماء. إجماع العلماء أن الرد على المبتدعة سمشروع سممدوح عند السلف ستن كاليتي عظيمة. حتى في تراجم بعض السلف لا بيوغرافي تغطى السلف تتخوض هذا أنه يفز الصلاة يفز الصيام ستن بيرسون يعني فيغيديك كذا سوفون يغاجود. Et il était chadid à l'ahl al-bid'ah. Il le met dans ses qualités. Et c'est une qualité. Chadid à l'ahl al-bid'ah. Il ne s'approche pas de Abadan. Hada al-salafi. Wa mimma yunafi hada al-asl al-azim. Il y a des choses, l'an, si tu as compris ce fondement, suivre le prophète alayhi salatu wassalam et s'écarter des bid'a, des innovations et des gens d'innovation, il y a des choses qui contredisent هذا الأصل. ومن هذه الأمور التعصب والتقليد. التعصب والتقليد. التعصب c'est s'entêter. التقليد c'est suivre aveuglément. هذا c'est deux choses. C'est un marad C'est une maladie, wal'iyadu billah, nassallah al'afiyah. L'anna celui qui a ce ta'assub et ce taqlid, fa rubbama, tu lui montres une sunna du prophète alayhi salatu wa salam, lakin huwa il muta'assib li madhhab fulan, ou li sheikh fulan. Moumkin, moumkin il suit une école de pensée, ou un sheikh, ou. Thomas, tu lui montres avec des preuves claires. Anna, le prophète sallam, il a dit kada. Le prophète sallam, il a fait kada. Et l'inverse de ce qu'il prétend lui. Ta'assub, il ne peut pas revenir. Hada l'an, il n'a pas le deuxième fondement qu'on a cité. Tahqiq de tiba'a nabi sallam. Là, hada, il suit ça. Hawa. At-taqlid, nafs al-shay. Il suit aveuglément une école de pensée. Hada, il est maliki. Hada, il est hanafi. Hada, il est ash'ad. Hada, il est shafi'i. Hada, il est hanbali. أو مذاهب أهل البدع هذا سأشعري هذا سأمعتزلي تعصب التقليد ولو تلو ديمونتر par plusieurs preuves, plusieurs arguments لا يرجع هذا الآن إلى بحقق سو دوزيام فوندمون هذا إلى بعيد عن السلفية قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا الله سبحانه وتعالى Il nous ordonne, t'as pas le choix, ayyuhal muslim. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Al-ittiba', c'est ittiba' al-wahi. Qala Allah, qala al-rasoul. C'est ça l'ittiba'. Anta t'es ordonné de suivre la révélation. Al-Qur'an, al-sunnah, ijma', al-salaf. C'est ça que tu dois suivre, anta. Amma, autre que ça, si ça contredit ce fondement qu'on a cité, la yajouz, que tu le suis. La yajouz. Qu'il soit proche ou loin, que ce soit un savant ou un ignorant, la yajouz lak. Léanna, anta, tu dois suivre le haq. Qal shaykh al-islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, faman ta'assab li ahl baldatih. Hada, ça arrive kathir. Ta'assab, shaykh al-islam, il va nous citer plusieurs noms. Ba'd al-nas, ya ta'assab, il suit entêtement son pays. Si ça vient de son pays, il accepte. Si ça vient pas de son pays, il n'accepte pas. Hada l'an min ayn annahu salafi min ayn. Il nous manque un fondement, suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma, suivre ton pays, il peut, ça peut être juste, ce qui vient de ton pays, ça peut être faux. Al-Ibra, c'est pas ton pays, ou mon pays. Là, Al-Ibra, c'est Al-Qur'an wa Sunnah. Qaal fa man ta'assaba li ahl baldatih, ou madhhabih. Kadhalik al-madhahib. On les a cités, les écoles de pensée. Ou tariqatihi, ou qarabatih. Bad al-nas, c'est proche. Si son ami, il a un avis, il a le même. Si c'est un autre, c'est pas son ami. Peut-être c'est une personne qu'il connaît pas, ou une personne qu'il aime pas. Lakin, son avis, c'est haq, il le prend pas. Ta'assub. Ça, c'est pas min manhaj al-salaf, abadan. Ça, c'est min ta'assub al-jahiliyya. Qala, ou li asdiqa'ih. دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية هذا كلام شيخ الإسلام أن celui qui a ses qualités ou ses caractéristiques plutôt فهذا il a une صفة من صفات الجاهليين لأن دين الإسلام les versets qu'on a vu les fondements qu'on a vu ça nous montre أن on doit suivre le Coran et la Sunna si une personne est contredit le Coran et la Sunna on délaisse sa parole Et on prend le Coran et le Sunnah. C'est ça les tuba. Amma celui qui s'entête, ben c'est ça le ta'assub. Qala, hatta yakun al-mu'minun kama amarahumullah, ta'ala mu'tasimin bihablihi wa kitabihi wa sunnat rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam. Hada, c'est ça, al-mu'min al-salafi, qui a haqqaq ce fondement, ce as al-ittiba. Anna aussi une chose, elle peut venir d'un proche, son père, ou sa mère, ou d'un ami. Ou son cheikh, ou un ennemi, ou si c'est le haq, il prend le haq. Si c'est batil, il rejette le batil. Voilà où ça vient d'une personne proche. Hada, c'est ça les caractéristiques du sunni. Wa qala rahimahullah, cheikh l'islam, kadhalik ibn Taymiyyah, qal man yata'assab li wahidin mu'ayyan, ghayr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça al-muta'assib. Si tu veux une définition de muta'assib, c'est celui qui s'entête. Et il suit tous les avis matalan d'une personne autre que le Nabi alayhi salatu salam. Hada sa muta'assib. L'anna ce rang et cette place c'est la place du prophète alayhi salatu salam. Fa matalan wahid ila un sheikh ou un ami ou un proche, tout ce qu'il dit, pour lui c'est le haqq. Dès que tu le contredis, tu es dans l'erreur. هذا الان سا متعصب وهذا اللي على خطر قال شيخ الاسلام كمن يتعصب لمالك او الشافعي او احمد او ابي حنيفه نعم المتعصب الجهال من اصحاب المذاهب بعضهم ils ont placé leurs shuyukh que ça soit l'imam Malik ou l'imam Ahmed ou Shafi'i ou Abu Hanifa au niveau du prophète alayhi salatu wasalam. Tout ce que son imam il dit c'est le haqq. Si tu contredis son imam t'es à la batil. Ça c'est grave l'an. Al-an, est-ce qu'il a haqqaq le fondement? Abadan. Abadan. Al-an, ouais, il a un autre fondement. Le fondement du ta'assub. Anna son sheikh, il a toujours raison. Qal shaykh al-islam wa yara anna qawla hadha al-mu'ayyin huwa al-sawab alladhi la yanbaghi. الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه فاستعقيده لخطير لخطير الإنسان ينتبه أن son شيخ tout ce qu'il dit c'est le haqq. Si quelqu'un le contredit il a forcément tort. يا أخي هذا c'est منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ton شيخ أو الإمام فلان أو qui qu'il soit autre que le prophète صلى الله عليه وسلم on pèse sa parole avec le kitab ou le sunna. Il dit une parole maintenant. On regarde s'il y a un dalil. S'il y a un dalil, on l'accepte. On l'accepte parce qu'elle est fondée sur un dalil. S'il s'est trompé, il n'y a pas de dalil. كُلُّ نُيُخَدْ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدْ إِلَّا النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَمَا قَالَ لِمَنْ مَالِكَ وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ. هذا التعصب الآن اللي منتشر جدا. Attention, أخي الكريم, de pas tomber vers هذا. Tu rejettes, tu sais même pas le kalam, c'est quoi. Ou t'acceptes, tu ne connais même pas les adillah. Si par des nas, ils ont montré. Amabal Husnoutan, il est marouf. Lakin maintenant, un sheikh dit une parole. Tu trouves jama'a, min al-afadil, ils disent attention, cette parole, c'est une erreur. Tu trouves par des nas, ta'assoub, ils ne cherchent même pas. Là, il a raison, c'est sheikh Foulan. Ça, c'est pas menhaj salafi, hada. Abadan. Quand j'ai roulé cela, فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا. هذا سي با المنهج السلفي. هذا سي الضلال. هذا سي منحرف. والله يبقى مات اون اتيكيت اون بونكارت انه سي سلفي. سي منحرف سي ضال. شاء ام ابى. قال بل قد يكون كافرا. سي بو ديفينيغ ان كافر. الشيخ الاسلام يبقى ديمونتري بوركوا. فانه متى اعتقد انه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الائمه دون الامام الاخر فانه يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل. Cheikh l'Islam il montre à celui qui a cette aqida, il pense que tu dois suivre une personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Et celui qui le contredit, il est dans l'erreur. Hada, le gouverneur, il doit lui l'imposer de faire tawba. Imma il fait tawba, s'il fait pas tawba, il l'exécute. C'est un mujrim. Aqida kufriya. Les anna, il place une personne au niveau de Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Amma anta ayyuhal muslim, tu témoignes anna Muhammad Rasulullah. Tu dis, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Fa, cette place, ay, on le suit dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Et celui qui le contredit dans l'erreur, c'est la place de Had al-Rasul. Amma un sheikh, un imam, même si son rang est élevé, ça reste une personne qui n'est pas ma'asoum. On peut prendre son avis comme on peut le rejeter. Tout dépend s'il est fondé sur un argument amla. Fa, al-qa'ida, al-ma'roufa, inda a'immat al-sunnah, anna al-haqqa. لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. Ça c'est une قاعدة صحيحة عند أئمة السنة أن la vérité tu la connais pas avec les hommes. Ay, c'est pas un être humain autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va te montrer une vérité. Là, la vérité elle y est. Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous l'a montré. Le savant il t'aide, il t'aide. Lakin الحق أو الرجال يعرفون بالحق. Par contre les hommes, si tu veux savoir s'il est à la haqq ou la, regarde sa position par rapport à la sunna. S'il contredit la sunna, il se trompe, qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Il peut avoir des raisons, il peut avoir oublié. À la kulli hal, il s'est trompé. Bahada, c'est ça, al-manhaj al-salafi. Pas de ta'assub. Pas de ta'assub à un pays, ou un shiikh, ou une école. Ou abadan. Abadan. Le haqq, tu le prends, le batal, tu le rejettes. Et tu respectes à immat al-sunna. Même s'il se trompe, si c'est un imam de la sunna, tu le respectes. Tant que cette erreur, elle ne le fait pas sortir de la sunna, bien sûr. وَمِمَّا يُنَافِي هَذَا الْأَصْلِ كَذَلِكَ. Une des choses كَذَلِكَ qui contredit ce fondement, parmi les fondements du منهج السلفي, تَقْدِيمُ الْعَقْلِ عَلَى النَّقْلِ. Ça, c'est une moussiba kadhalik. Tu fais passer la raison avant les textes. بعض الناس il y a des hadith من النبي صلى الله عليه وسلم clair. Tu le trouves, il fait passer sa raison. Lakin, moi je pense que kada. Ou on m'a dit kada. Ou mon avis c'est kada. Ou pourquoi, comment. Tout ça, il fait passer l'un de sa raison avant les textes. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمسلم لا pas le choix. C'est un texte clair, que ce soit du Coran ou من السنة الصحيحة. T'as pas le choix, أيها المسلم. يجب الاستسلام والانقياد والاتباع. T'as raison, on n'a pas besoin de ton avis ou ta raison ou أبدا. T'as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله في كتابه النافع الصفات الإلهية إن السلف إنما يقدمون الأدلة النقلية على الأدلة العقلية. الأدلة النقلية ça vient de النقل, c'est les textes, أهي الكتاب والسنة. العقلية c'est la raison. قال إيمانا منهم بأن الله أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب من عنده وكلفهم ببيان ما يحتاج إلى البيان لأمر له شأنه, وهو أن ما جاء في هذه الكتب وبلغته الرسل يغني عن كل شيء وأما غيره فلا يغني عنه. سسا المقصود أن obligé, en tant que mu'min, comme on a cité le verset, t'as pas le choix. T'es obligé d'avoir le kitab et le sunna. Amma la raison, là. Là. Dans les domaines, dans le domaine matalan des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'as un texte, t'as pas de texte. Ou alors tu réfléchis des heures, ou alors tu fais des efforts d'interprétation, ça t'amènera à rien. Ah ben, il y en a, c'est des choses, il y a besoin de révélation. Imma on a un dalil, amla. Une adoration, matalan. Est-ce que cette adoration est légiférée, amla? On n'a pas besoin de l'avis des gens. Matalan, une personne, il dit, moi je pense, ça va, cette adoration, elle est pas mal. Un autre, il vient, il dit, là, à cette époque, là, on n'a pas besoin de ça. Nous, on regarde, est-ce qu'on a un dalil? On a un dalil, qala rasoullah kada, on le fait. Celui qui est content, il est content. Celui qui n'est pas content, ça, c'est pas notre problème, nous. On applique la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadar min taqdim al-aql ala al-naql ou al-hawa ala al-sunna. Personne, il fait attention. Hatta hada, c'est muntashir via des zaman. Là, que ça soit pour ou contre toi, al-sunna, tu l'appliques. Biqadr ma tastati'a, fattakullah, ma stata'atum. Le troisième fondement. Anna nusus al-Qur'an wa sunnah tufham ala tariqat salaf al-umma. Anna les textes qu'on a cités dans le deuxième fondement, la sunnah wa al-Qur'an, tu dois les comprendre avec la compréhension des salaf. Et ça revient à ce qu'on a dit. Anna, la personne, il ne fait pas passer ses passions, sa raison. Là. Là. Li anna ha'oula al-akhiyar al-afadil min ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa man ja'a ba'dahum min a'immat al-din. Ils ont compris cette religion mieux que toi. Ils ont vécu le wahi. Fa anta, tu comprends comme ils ont compris. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a zakki. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأنت تبلك comprendre comme ils ont compris. قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فأنت que ça soit العقيدة ou autre, tu comprends les textes avec la compréhension des salaf. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما لن تضلوا نعم بعدهما كتاب الله والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم il nous informe أنه il nous a délaissé deux choses. Si on s'accroche à ces deux choses, on s'égarera jamais. Al-Quran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Lakin, ce fondement là, ces deux choses, tu ne les comprends pas comme tu veux. فكم من الناس الآن, ils se sont égarés. Et ils argumentent pour appuyer leur égarement avec des adillah min al-kitab ou min al-sunnah. بعضهم يستدل بقول عز وجل إنما المؤمنون إخوة إذ اليهود والنصارى سنو فخار إلى فرس القرآن إنما المؤمنون إخوة يتجي nous on est des croyants, les juifs c'est des croyants, les chrétiens c'est des croyants, on croit tous en Allah, on a tous un livre, tous un prophète. Hakada il raisonne, sauf quand tu délaisses la compréhension de cela. Il conclut quoi? On est tous des frères. Wahdatul adiyan wal iyad billah. L'unification des religions. Allah il approuve hada ala za'm hada al mubtil innama al mu'minuna ikhwa. Ma'ad Allah. Ma'ad Allah. Amma la compréhension des salaf an al yahud wal nasara c'est des mushrikin. C'est des mushrikin. Ils ont fait du shirk. Al yahud ils disent que Uzair c'est le fils d'Allah. Al nasara ils disent que Isa c'est le fils d'Allah. Tu trouves Rabbi min al-Arbiya, et Adil Azmina, il prétend là, c'est des croyants. Aïna Faham al-Salam, qui c'est qui t'a précédé Vihada? Qui c'est qui t'a précédé? Un imam qui t'a précédé Vihada? Abadan, les patients, et il est manipulé. Qala l'imam al-Awza'i, rahimahullah, al-ilmu, ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fa ma kana ghayru dhalik, fa laysa bi'ilm. Al-imam al-Awza'i min a'immat al-Sham. Rahimahullah. C'est un contemporain de l'imam Malik. L'imam Malik, il était à Médine. Houa, il était Fisham. C'était Ra's Ahl al-Sunnah Fisham. Yaqul, al-ilm, ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le ilm, la compréhension, c'est ce qui nous est parvenu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma autre chose, fa ma kana ghayru dhalik, fa laysa bi'ilm. C'est pas du ilm. Abatan. Et ça serait du ilm et ça serait une bonne chose pour la umma, les compagnons l'auraient compris. Amma anta, des siècles après, wahid bien prétend une chose. Khassatan fi umur al-i'tiqad. Umur al-aqida, des choses, des sujets. As-salaf, ils ont fait un djihad kabir. Tu trouves wahid bien, il les contredit en une minute. Une minute. Il dit non, ça c'est kada. Khalas. Ça c'est min al-dhalal. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله. Celui qui prétend expliquer un verset du Coran ou un hadith du prophète sallam avec une explication qui contredit l'explication des salaf, هذا il ment sur Allah عز وجل. هكذا قال شيخ الإسلام. نعم. C'est comme s'ils prétendaient, toutes les générations des musulmans avant nous, ils ne savaient pas cette explication. Houa, il l'a trouvé. Abadan. Abadan, la religion, elle est parfaite. Anta, tu suis, faqat. Qala, fa huwa muftarin ala Allah, mulhid fi ayatillah, muharrif lil kalam, ou lil kalim, min mawadi'i, wa hadha fathun li bab al-zandaqa wal ilhad. Sahih. Celui qui délaisse la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salaf dans les textes du Coran et de la Sunna, il a ouvert un bab de zandaqa et de dhalal. Ta'ammal al-rafida. Ta'ammal al-rafida, le niveau qu'ils ont atteint là. Ils sont akfar min al-yahoud wa min al-nasara. Au départ, une firqa les sortie, ils prétendent aimer Ali. Petit à petit, ils ont délaissé la compréhension des compagnons. Ben, ils les ont combattus. Et ils prétendent que les compagnons sont des kuffars. Andor l'an, où ils sont arrivés. Al-an, c'est des mushrikoun, wadih. Mushrikoun. Ils ont autorisé ce qu'Allah il a interdit. Ils ont interdit ce qu'Allah il a autorisé. Et ils combattent Awliya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils combattent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le combattent. Avec tout ça, ils prétendent, on aime le prophète. Vous êtes des kadabas. Vous êtes des kadaba. Ma vie ahad, il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mitla ha'oula al-ashrar. Al-rawafid. Qala al-imam Ahmed, rahimahullah, iyaka an tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam. C'est ça, manhaj al-salaf. Iyaka, l'imam Ahmed, il te met en garde. Attention, tu t'avances pas dans une mas'ala, t'as pas d'imam avec toi. Aïe, un imam qui t'a précédé. Matalan. Ça arrive, هذا. للأسف. Ça arrive, بعض الإخوة مثلا, un sujet, il parle. نعم, مثلا, t'as le droit de faire cela. أخي, qui c'est qui t'a précédé? Il ne pourra pas te répondre. هذا الآن, il est à la خطر. الآن أنت على خطر تفضل دليل personne t'a précédé. C'est grave. Si c'est un haq ce que tu dis, obligatoirement tu trouveras dans la umma quelqu'un qui l'a dit. C'est obligatoire. Si tu es le seul à avoir dit ce kalam, délaisse-le. Tu as ouvert un verbe d'égarement. Iyaka an tatakallam fi mas'ala wa laysa laka fiha imam. فلهذا علماء السنة دائما dans leurs fatawa, dans leurs livres, dans leurs ouvrages, toujours, tu remarqueras, ils appuient avec kalam Ahl al-Sunnah. قال شيخ الإسلام, قال إمام أحمد, قال إمام مالك, قال إمام الأوزاعي, هكذا. أما تؤمن الدين, c'est toi qui l'as compris. Personne t'a devancé. T'as ouvert un bab l'Iblis. لأن السنة لواضحة. Le Coran, il est معروف, معلوم. فأنت t'as plus qu'à prendre. Attention, la personne, il ouvre un bab. Il ouvre un bab qui n'était pas ouvert avant lui. Ad-Din, ça ne marche pas comme ça. Ad-Din, tu suis ce que tu as avant toi. Si tu veux le khayr. Amma, une personne, il veut se faire une route à lui tout seul. Hada, il est à l'anhiraf wa dalal. Al-Aslu al-Rabi', le quatrième fondement. Le zoom. Al-Jama'a. Wa-Sam'a. Wa-Ta'a. Li wulat al-Umur. Hada, c'est un asl azim. Aïe. L'uzum al-jama'a, c'est que tu t'accroches au groupe. Al-jama'a, huna, c'est le haq. Comme a dit Ibn Mas'ud. Il a dit, al-jama'a, ma wafaq al-haq, walau kunta wahdak. Même si t'es seul, tant que t'es sur le haq, c'est toi la jama'a. Lakin, walillahi l'ham, t'es pas seul. Il a dit, la tazal ta'ifatun min ummati ala al-haq. Il y a un groupe qui sera toujours dans la vérité. Enfin, ce groupe, c'est ça le jama'a. Enfin, ne comprends pas, Akhil Karim, anna luzum al-jama'a, c'est que tu t'accroches à la majorité. Abadan. Ça, c'est un mabda démocratique. C'est un mabda kufri. Et la majorité, ils ont raison. Là, ça, c'est pas min din l'islam. Nahnu, on s'accroche à la jama'a qui est à l'al-haq. Walaou, s'ils sont moins nombreux que le mubtalin. Wala shak, anna al-muhiq, anna al-sunni, ahl al-sunna, ils sont moins nombreux que ahl al-batil. Qal Isa al-salam, ça t'aftarik. أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلا شك أن les 72 sectes ils sont beaucoup plus nombreuses que le groupe sauvé. Ça, ça te montre أن الجماعة c'est le حق. On regarde pas la majorité. Le quatrième fondement, tu t'accroches à cette جماعة. كذلك السمع والطاعة لولي الأمر. Parmi les choses qui impliquent De s'accrocher à cette jama'a, c'est d'obéir au gouverneur. Et surtout ne pas faire le khuruj. Se révolter. Hada c'est haram fi dinina. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Ça c'est un ordre min Allah. On doit tous se rassembler. Wa'tasimu bihablillah. Ça prouve ce qu'on a dit. Anna l'ishtima, le rassemblement, il n'est pas sûr. On a les mêmes origines. Ah, on vient du même pays. Ah, on a les mêmes ancêtres. Ah, on a les mêmes pensées. Là, al-i'tisab ou al-ishtima, il est al-haq, al-kitab et al-sunnah. Enfin, on se rassemble avec al-muslimin, al-kitab et al-sunnah, bi-fahm al-salaf. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالاجتماع إلى على هذا الحبل الإسلام السنة القرآن وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سنعد كذلك أن أندوى أبيغ الله أبيغ أبخفة عليه الصلاة والسلام et au gouverneur. وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث. الله سبحانه وتعالى il nous agrée trois choses et il nous interdit trois choses. قال يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Ça c'est le premier fondement. Haqiqa, ce hadith, il va rassembler les fondements qu'on a fait. La première chose, an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a. Ça c'est le premier fondement. Qala wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an وأن تناصحوا من والله الله أمركم. Ça, c'est le fondement qu'on va étudier الآن. أي النصيحة لولي الأمر. Ça, ça montre entre toi et le gouverneur, t'es un musulman. Si tu peux le conseiller, tu le conseilles. Amma, se révolter, ou le critiquer, ou les coups d'État, ou les manifestations, tout ça, c'est pas min manhaj al-salaf. Ça, c'est min manhaj ahl al-bid'ah. Stafadouh min al-kuffar. Amma ahl al-sunnah, abada. Ta'ammal, kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. Celui qui entend ou qui voit de son gouverneur une chose qu'il déteste, مثلا il fait une bid'a, il fait une ma'asiya, ces choses le musulman il les déteste, le musulman الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر عليه. Patiente, akhi. C'est pas la solution de crier sur les toits, il a fait kada, c'est un kada, c'est pas une solution. Ça serait une solution, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aurait montré. Là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal fal yasbir alayhi, tu patientes, fi hadha al-hal. Si tu peux le conseiller, sirran, entre toi et lui, fa adiru nasiha. Qal fa innahu man faraqa al-jama'a shibran, fa mata illa mata maytatan jahiliya. Celui qui délaisse ce gouverneur, il fait une révolution, il délaisse Jama'at al-Muslimin. Jama'at al-Muslimin, c'est le gouverneur et le mu'minin. Celui qui délaisse Hada et il se révolte contre ce gouverneur et il meurt à al-Jahiliyyah. Et vous savez c'est quoi al-Jahiliyyah? C'est la période avant l'islam. Ça montre que ces révolutions, les attaques contre les gouverneurs, les critiques contre les gouverneurs, c'est pas min din al-Islam. Abadan. Hakika, c'est pas une solution. Tu peux rester des heures. Ba'd al-Juhal, kama ta'lamoun, il regarde un reportage ou les informations, tumma, des heures, et critique al-Hukam. À la fin, t'as gagné quoi? On a avancé, t'as arrangé les choses. Est-ce que ce gouverneur, il a délaissé ce que tu l'as critiqué? Abadan. Tout ce que t'as dit, ça sert à rien. Bel, ce que t'as dit, c'est min alamat ahl al-bid'ah. At-ta'n fi wali al-amr jahran. Ça, c'est min alamat ahl al-bid'ah. C'est pas min alamat ahl al-sunnah. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. حديث ابن عباس كنا ستين متفق عليه في الصحيحين. قال الحسن البصري رحمه الله والله إجوغ رحمه الله والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمور. إجوغ أن tu pourras pas appliquer ton دين comme il faut إلا avec un gouverneur. قال وإن جاروا وظلموا. Même s'il est injuste et il fait du mal, c'est mieux que un pays où il n'y a pas de gouverneur. Qala wallahi, il jure une deuxième fois, ma yuslihu Allahu bihim akthar mimma yufsidun. Il jure que le bien qu'il y a dans un gouverneur musulman, c'est plus que le mal qu'il fait. Ta'ammal les révolutions qu'il y a eu. Des pays, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, ma'rouf, les pays où il y a eu les révolutions, ils ont reproché au gouverneur certaines choses. Gouverneur, il faisait kada, il faisait kada, il faisait kada. Ils ont fait la révolution. Yallah, ils ont fait. Le président, le gouverneur de ce pays, il est parti. Est-ce que ça a arrangé les choses? Abadan. Wallahi, dans ces pays, les meurtres, les viols, les vols, l'insécurité, il n'a rien à voir que quand il y avait le gouverneur en place. Abadan. Quand il y avait le gouverneur, il y avait des problèmes. Lakin, ils pouvaient faire leur deal. Il y avait la sécurité. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils étaient à la khair, il y avait un manque. Lakin, c'est pas la solution, la révolution. Al-An, ils se sont révoltés. C'est quoi le résultat, Al-An? Al-An, à nouveau, il est venu, ils veulent se révolter une deuxième fois. Un troisième, ils se révolteront. Tu trouveras toujours min ru'a an-nas. Tu trouveras toujours le bas peuple. Ils comprennent pas grand chose, ils seront jamais contents. Hada, c'est min tartitat al-kuffar, ils ont fait du mal au pays musulman. C'est bien hada. Tartitat min al-yahoud wa min al-nasara. Et ils ont fait des problèmes au pays musulman. Khassatan, an-nas khuruj, il n'était pas bismuddin. Ils n'ont pas fait la révolution, ils veulent la charia. Abatan. Qu'a-t-il, mais non, mais ils ont fait la révolution, il y en a la farine, elle a augmenté. Oh, le sucre, il a augmenté. Ah, c'est pas pour charia. Abatan. Même ceux qui prétendent qu'al-ikhwan al-muslimi, yallah, ils ont eu le hukm dans certains pays. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a charia. Abatan. Abatan. Tout ça, pourquoi? Ils ont délaissé ce fondement. Ils ont délaissé son fondement. وتأمل كذلك أن الكفار de temps en temps ils ont eux aussi des manifestations des cadavres. Ils font tout pour la calmer. Wallahi, pendant qu'il y a eu les révolutions dans les pays arabes, à un moment il y a eu quelque chose, il y a eu une affaire au Royaume-Uni, en Angleterre, avec les minorités, il est akhiré. Il a commencé à avoir des émeutes, ils les ont calmés en 2-3 jours. Al-Khoubat a vu le pays musulman, ils disent non, c'est la démocratie, ils doivent s'exprimer. Falimad, dans ton pays de kafir, tu laisses pas. Tu t'exprimes, tu casses et tu tues. Voilà. Tout ça, c'est mintartetat al-Kufa. Tout ça, les Anna, ils ont khalif al-manhaj al-salafi, aïe al-muslimoun. Al-muslimoun. Al-kafir, ils ne veulent pas de bien, abadan. Ce qui te veut du bien, c'est al-muslim. فتأمل نصيحة الحسن البصري والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمور. Il veut ton bien, il veut que tu appliques ton dîn, il veut que tu sois en sécurité, il veut que tu rentres fil djinn. Il te montre tariq, obéis au gouverneur. Une chose qui te plaît pas, patiente. Nous on ne dit pas que les gouverneurs ils sont parfaits. Abadan. Abadan. Il y a des choses, ils ont des mukhalafat, des ma'asib. On déteste ça dans notre cœur. Si un jour on a les moyens de les conseiller, on les conseille. Amma, rajouter des ma'asi sur des ma'asi, voilà, il y a du juste. Est-ce que Aslan l'a vu en détail, fille? Fi al-usul, al-shitta, fi ma'athkor. Quand j'ai l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, al-sabru ala jawr al-a'imma. Al-sabru ala jawr al-a'imma. Aslan min usul ahl-sunnah wal-jama'. Le fait de patienter contre l'injustice des gouverneurs, c'est un fondement de la sunna. Celui qui le contredit, il sort de la sunna. Attention, hatta min ba'd ikhwanina salafiyyin ahyanan, t'entends des choses là, imbari. Le gouverneur Fulan, il a fait le gouverneur, mais pourquoi? Otrok hadil umur. Ça t'avancera rien, le gouverneur il t'écoute pas. Il t'entend pas, t'es en train de parler au coin d'une rue, mais il fait attention à toi. T'es en train de contredire ton manhaj. Fakat. Le temps que tu perds à parler, à critiquer, Badanas, il est chez lui, il essaie de trouver les solutions pour la planète. Ya, t'es en train de perdre ton temps, personne t'écoute. Fais Adelhan, tu fais deux A. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il guide ce gouverneur, il l'améliore. Ahsan lak. Voilà. Al-Imam Ahmed, rahimahullah. Il a informé que si il avait une dua mustajab, l'imam Ahmed il a dit si, maintenant je saurais que j'ai une invocation, Allah il m'exauce, je la ferai pour le gouverneur. Hakada a'immat al-salaf. Hada l'imam Ahmed, il a été fouetté, il a été emprisonné. Il a été emprisonné, fouetté des mois pour sa aqida. Isma al-kalam. Tout ça, ça l'empêche pas à être juste. Les Anna Al-Imam Ahmed, c'est un salafi quoi. Al-Imam Ahmed, c'est pas une étiquette, abadan. Quand tout va bien, quand tout va mal, c'est un salafi. Les Anna, l'Imam Ahmed, il a ses usul. Ben, il a écrit un livre, usul al-sunnah. Il a une petite risala, usul al-sunnah. Les fondements de la sunnah. Et il t'explique toutes ces choses. Al-Rajul, il était à la ilm, rahimahullah. Et il était à la manhaj sahih. وهكذا نحن. Faut qu'on fasse des efforts, on fasse des efforts. On délaisse les passions et on se limite avec ce manhaj. Et on avance. Nasallah subhanahu wa ta'ala al-thabat. ومما ينافي هذا الأصل. Parmi les choses qui contredisent ce fondement, ma'ruf. Al-thawarat. Les révolutions. Comme on a parlé. Hada, ça contredit ce manhaj. Tant que ce gouverneur, c'est un musulman. Qui c'est qui t'a autorisé à faire ce khuruj? Maintenant, si tu lis Aqwal Ahl al-Ilm, la fitna qui s'est passée, les révolutions dans les pays arabes, si tu lis Fatawa Ulama al-Sunnah, Ulama al-Salafiyyin, tu vas voir qu'ils ont appliqué ce fondement. Ils ont interdit, personne ne sort. Lakin, Al-Juhal, ils les ont pas écoutés. Le résultat, c'est quoi? Des milliers de morts. Et la situation, elle est plus catastrophique qu'avant. Pourquoi? لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى إذا صغاري ونصله جهنم وساءت مصيره. السمر على هذا إلي على خطر. Le courage, c'est pas les révolutions. Badanas, ils essayent de faire croire que c'est ça le courage, c'est ça la force. Abadan. Le courage et la force, c'est tu suis le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et tu délaisses tes passions. Amma hada, c'est une des choses les plus simples. Shaitan, il te pousse, les passions, elles te poussent, les koufars, ils te poussent, et tu penses à la dunya. Enfin, très facilement, les gens, ils sortent. Amma patienter, apprendre son dîn, respecter al-hakim, pas faire du mal aux musulmans, c'est ça, al-jihad, haqqan. مما ينافي هذا الأصل المظاهرات إيه نوع من الخروج من الثورة لمانيفستاسيون هذا لا يجوز في دين الإسلام سيبا من منهج السلفي أبدا ولو أباحها من أباحها ولو سي دي بيرسون إي بريتونس أوتوريزي أون أدي نوتر دين سي قال الله قال الرسول قال الصحابة رضي الله عنهم كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله إيزو إيتي بيرسكوتي في مكة. Ils les ont torturés. La preuve, ils se sont enfuis, ils ont émigré, ils ont fait l'hijra. Et l'al-Habasha. Avec tout ça, tu as déjà entendu un sahabi ou deux ou trois, ils ont fait une manifestation. Abadan. Abadan. Si c'est dans un pays de kuffar, fais l'hijra. Si tu es dans un pays de muslim, esbir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fal yasbir alayh. Patiente. Et fais du'a. Hada. Wallahu musta'an. الخامس بس الدغني أصل الولاء والبراء الاليونس اللي دو زابو الاليونس اللي دو زابو الحب في الله والبغض في الله ساسا أصل عظيم جدا وأهل الباطل اللي كومبات ليل نهار المسلم كست عقيدة كسو منهج يسغى على خير إلام بغى الله يدتست بغى الله قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان سيسا الإيمان سيك تابا دمور pour une personne qui combat ce din qui n'est pas musulman, qui n'aime pas Allah et son prophète, ou si c'est un proche. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, walaw kanu aba'ahum. Même si c'est leurs parents, ils les détestent fillah. Ça n'empêche pas le mahabba tabi'iyya. Ils les aiment parce que c'est parents. Amma au niveau des dîn, ils les détestent. Ils savent que c'est des kafara. Ou ses frères, ou sa tribu. Hada l'an, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit, c'est aqidat al-wala wal-bara. وقال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان أي لبلغ نبود الإيمان قال الموالة في الله والمعادة في الله والحب في الله والبغض في الله c'est ça le haut niveau في الإيمان c'est que t'aimes pas pour tes passions t'aimes pas parce que Fulani il t'a donné et tu détestes parce que Fulani il t'a pas donné ou tu l'aimes parce qu'il est de ton pays tu le détestes parce qu'il est pas de ton pays ou tu l'aimes pour sa couleur أبداً. Tu l'aimes في الله لأنه إلى الأمام عقيدة لأمام منهج كتوى تلامي تلغى بخش سي كومبات عقيدة كومبات منهج تلدي التست با بوغ توى في الله بوغ الله سبحانه وتعالى سيسا الإيمان سيسا المنهج السلفي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة celui ce voilà ou le bara الان المشكله ان بعض الناس ils l'ont donné في غير الله مثلا الحزبيون المبتدعه ils ont un voilà et un bara ضيق dans des personnes pas في الله فمثلا si tu aimes son cheikh tu parles bien son cheikh il te rapproche voilà où il a des erreurs si tu détestes son cheikh voilà où tu es sur le haq il t'écarte et il te déteste et il te combat. Hada l'an, c'est un wala et un bara, il n'est pas fillah. Cheikh l'islam, il va montrer le hal de ces gens-là. Qal, kama yujad dhalika fi at-tawa'if min atba'a a'immat al-kalam, ay ahl al-bid'a. Fi ad-din wa ghayri dhalik, kana min ahl al-bid'a wad-dhalal wat-tafarruq. Celui qui a ce sifat, ay il n'a pas ce fondement, il est min ahl al-bid'a wad-dhalal wat-tafarruq. Ay, son amour et sa haine, elle est pour Fulan. Autre que le prophète sallam, autre que la religion, autre que Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le problème de l'inhiraf. Donc, toi, tu es musulman, ton amour et ton bon, il est par rapport à Ad-Din. Par rapport à Ad-Din. Ou une personne, maintenant, il a été injuste envers toi, il a été kada, mais c'est un musulman, c'est un kada. Là, il reste cet amour fil là. Il reste. Et dans ses fautes, etc., il y a ça. On fait passer les erreurs de certaines personnes sur le Coran et sur la Sunna, ça c'est pas le manhaj al-salaf. Et on a dit, en fait, chaque point, ça mérite de détailler plus. Wallah, on avait détaillé, nous avons masail al-wala wal-bara fi kutub al-tawhid kathiran, fa turaji' hunak. Akhil Karim, si tu as compris ses fondements, Inch'Allah, on les met en application et on a la conviction que c'est le haq. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait mourir ala hada al-manhaj. Si tu as compris hada, fala shak anna l'intisab ila hada al-manhaj, c'est mashrou' et c'est mamdouh. Si tu as compris tout ça, al-an, le fait de se prétendre un suiveur de ce manhaj, c'est quelque chose de légiféré. Et c'est quelque chose de mahbou. Et le fait de se dire salafi. Les gens, ils ont une choubha. Ou l'ayadu billah. Ils n'ont pas compris ces fondements. Ils disent, pourquoi tu dis salafi? Tu divises. Allah, il nous a appelé musulmans. Tout ça, parce que, en fait, il ne sait pas c'est quoi ce salafi. Il y en a une chose que tu aimes, tu n'as aucun mal à t'apparenter à cette chose. Tu n'as aucun mal. Maintenant, ashab al-démocratie ou al-ilmaniya, le kuffar, ils aiment cette chose, la démocratie, la laïcité, ils se réclament laïque, démocrate, il n'a aucun problème. Anta ayyuhal muslim, si tu as compris al-manhaj salafi, tu n'auras aucun problème de dire, ana je suis un muslim salafi. Afichez, c'est quelque chose de mamdouh. Qal shaykh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah, la aïba ala man adhara madhhab al-salaf, wa antasaba ilay, wa ataza ilay, bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq. Ijma' al-ulama, que tu as le droit de te dire salafi. Qal shaykh al-islam, wa antasaba ilay. Al-intisab, c'est le fait de dire, matalan antasib ila salaf, je suis un salafi, c'est ça l'intisab. Fahada, yajib. C'est obligatoire d'accepter hada. Bittifaq, al-ulama. Adib, tu te revois d'un nas, ils ne sont pas d'accord, ka'annahu l'amr t'as le choix. Ya akhi, ya ijma' al-ulama. Naqalahu shaykh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah. T'as pas le droit de khalif. Si tu es malade, apprends le manhaj salafi. Léana, celui qui n'accepte pas être soumis, il est malade. Il ne comprend pas le manhaj salaf. Allez, hada. Amma, celui qui aime ce manhaj, il l'accepte facilement. Bel, y'a'taz. Il le dit avec sincérité, tawadha, il aime le salaf, il dit, ana, je suis salafi. M'affiché. Pardonnez, c'est des teskiya. Dis pas que t'es musulman alors. Muslim, c'est une teskiya. Léana, le musulman, si tu meurs à l'islam, tu vas fil jannah. Du musulman, on va dire là, ce qui pas ton nefs. Et j'ai hâte le kalam. C'est une nisba sahiha. Sahiha, sur l'islam, naqala al-ijma'. Su'ila al-imam Abdel Aziz, Ibn Baz, rahimahullah, il y a une firqat al-najiya, fa'ajab. Ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz, c'est qui le firqat al-najiya? C'est qui le groupe sauvé? Qala rahimahullah, humus salafiyoun. Chef l'ulama. Il n'a aucun problème, hua. Humus salafiyoun, il sait c'est quoi un salafi, hua. سلف الحق إيسا سكوا هم السلفيون وكل من مشى على طريقة السلف الصالح ceux qui suivent le chemin des salafs salih c'est السلفيون les salafis et هؤلاء c'est الفرقة الناجية c'est le groupe sauvé نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم وقال العلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة نعم أهل السنة والجماعة c'est السلف ceux qui ont عقيدة السلف même celui qui vient après. Maintenant, nous, on est des générations bien après le salaf. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, qala idha kana ala tariqat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi fa innahu salafi. Si il est sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et des imams de la sunna, hada c'est un salafi. Ma fi shay. Wallahi, ba'd an-nas ils entendent salafi, on dirait tu as commis une injustice, on dirait tu as insulté. Il entend démocrate, laïcité, juif chrétien, il arrive à garder son calme. Il entend salafi, khalas. Hada, il est malade. Su'ila al-allama al-sheikh al-najmi rahimahullah. وبعض الشباب يتحرج من أن يقول أنا سلفي فما توجيهكم لمثل هذا صحيح بعض الناس حتى من إخواننا أهل السنة il n'ose pas dire je suis salafi حرج c'est comme s'il avait honte c'est comme si ils ont demandé à الشيخ نجمي cette question قال فأجاب رحمه الله لماذا يتحرج صحيح pourquoi t'as honte pourquoi t'as honte بعض الناس الآن ينتسبون إلى اللواط كما تعلمون بعض الناس الآن يغفنديك والعياذ بالله سان هوموسيكسوال يغفنديك لا تتقط حتى الآن ليجون الأكسب حتى بعض المسلمين للأسف أنت الله تفضل تقيد على كثير من خلقه تقوم تدير جسوي سلفي هذا سان ضعف الإيمان نحن نجيب بات لدير avec arrogance avec fierté أعوذ بالله لكن لا لكن si tu le dis حق et tu montres le منهج sur quoi t'es ما في شيء je suis à la عقيدة السلف je suis un سلفي ما في شيء لكن tout ça يا إخوان السبب c'est الجهل pourquoi نحن on vous a expliqué tous ces fondements pourquoi on a cité ce chapitre de dire سلفي après les fondements لأن si t'as compris les fondements t'auras aucun problème أما بعض الناس il sait pas c'est quoi سلفي il entend سلفي il croit que c'est du terrorisme Allez, Ada, il entend salafi, il dit là. Là. Al-Asma, il faut voir qu'est-ce qu'elle renferme comme fondement. Hatta nous, la laïcité, pourquoi on la refuse? Pourquoi on la déteste? La démocratie, pourquoi on la refuse? Pourquoi on la déteste? Léana, on sait les fondements qu'elle renferme. Allez, Ada, on l'a rejeté. Anta, avant d'accepter ou de rejeter un istilah, apprends ses fondements. Tout le parle bi'ilm. Accepte ou rejette à la ilm. الإعلام الإعلام الشيخ نجمي قال لماذا يتحرج أيرى أن الانتماء إلى السلفية منقصة صحيح tu lui demandes الآن une personne qui accepte pas ce lafd من المسلمين أما الكفار اللي combat أما مسلم se dire salafi on dirait que les salafs ils ont un problème t'as honte de dire de te réclamer d'eux là أبدا une personne que t'aimes t'as aucun problème maintenant tu dis je suis le fils de un tel t'aimes ton père et l'akhira, t'as aucun problème. Falimada, as-salafiyya, t'as ce haraj. C'est quoi qui bloque? Illa, annaka, tu connais pas salaf al-salih. Wallahi, tu les connaîtrais vraiment, fa, tu ferais tout pour être un salafi. Qala, alaysa huwa al-intima ila ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tabi'in lahum minal ulama, wal fuqaha, wal muhadditin, wal mufassirin, wa ashab al-aqida sahiha fi kulli zaman. صحيح فنحن الان وان ذا سلفي ف اون بريتون سويفر هؤلاء ففي الحقيقه سي كلكو شوز يعني كونم اي كون في تو بور افوار قال او نختصر الكلام قال ايكون الانتماء الى هؤلاء منقص حتى يتحرج منها ان لله وانا اليه راجعون صحيح الشيخ نجمي الى فيني سفتوى بهذا ان لله وانا اليه راجعون ان بعض الناس Ils sont arrivés à un niveau, ils n'osent pas dire salafi, il y a taharraj, il a honte, il n'ose pas. Sallallahu alayhi wa sallam. On finit. Hadi al-kalima. Afwan, ta'akharna. On finit. Hadi al-kalima. Anna al-salafi, il doit s'accrocher aux fondements qu'on a expliqués, qui sont tirés min al-kitab ou min al-sunnah. Kadhalik, al-salafi, يجب ولابد أن يعتني بالعلم العلم النافع والعمل الصالح فالسلفي doit donner du temps à هذا العلم لأن هذا المنهج tu ne pourras pas le comprendre et l'appliquer que si tu es sûr à العلم كذلك العناية بالأخلاق الحميدة السلفي كذلك il doit faire des efforts dans le comportement la sincérité être véridique العدل la justice avec les proches avec les personnes qui sont loin de lui avec les amis avec les ennemis il est juste al-adl كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحه الرفق مع اخوانه المسلمين tout ça السلفي il doit avoir ses اوصاف عقيده الشريعة. كذلك السلفي يدوى بغى احترام وتقدير لأهل العلم. السلفي يحب العلماء، علماء السنة، أيدت أهل البدع، فيغسبت أهل العلم. ولو سيسا سافون إسترو فتكسب با لغور، l'erreur elle est inacceptable de qui qu'il soit. Mais si c'est un savant de la sunna et cette erreur elle ne fait pas sortir mais la sunna, on l'aime, fillah. Et on fait du'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui facilite et il nous facilite. Kadhalik, al-salafi, il a besoin d'un yasbir ma'an nas. Ne crois pas que tout le monde a étudié ses fondements comme tu les as étudiés toi. Ne pense pas que tout le monde a compris ce que tu as compris. Pense pas que tout le monde. يعني يكون الحق من الباطل لا وبعض الناس مساكين يسون بعيد سون بعيد الكفار اللي كومبات أهل البدع ميسا عام ميسا مسكين اللي أوميليو دو توسولا فأنت أيها السلفي تدويت من رحمة النور تعرف دون مسكي تان نور تان لمير شتوى تان نور لجون يبخفت دو توى فوق تبا ما تغجد شدة على شدة بعض العوام مساكين يكومبرو با أنت تفين تبخو با التان أنت تكومبرو ريان لسمو. Et après, tu le laisses pour qui? Tu le laisses pour qui? Pour Ahl al-Kufr ou al-Bida. Enfin, on doit donner du temps à Hada. Nasbir fi da'wa. On montre aux gens et on appelle à ce manhaj. On leur explique le manhaj. Si on leur explique le manhaj salafi, comme il est fi al-Qur'an ou fi al-Sunnah, et à l'époque des compagnons, tu trouveras كثير من المسلمين vont l'accepter. أما الآن, كثير من المسلمين ne l'ont pas accepté, لأنه ils ne connaissent pas le vrai manhaj salafi. Ils ne le connaissent pas. Ils ont une image, أنهم c'est des barbares, des sanguinaires, des cadavres. نحن نوافق دعوة المسؤولية الله سبحانه وتعالى تفاسلتي تكبخي فأنت الآن تدوى ترسمت بلغوا عني ولو آية قال عليه الصلاة والسلام واصبر أيها السلفي على طعونات الكفار تعلمون إذن طعونات كثيرة فوداموتاليست ثم يديز تيروريست ثم يديز سلفيست إذا سيدوا فعل لين اصبر والله ستفئك مال Ils savent très bien, An-Salafi, c'est la personne qui combat le plus les attentats et Hadat Tadmir. Tuer des innocents, les attentats, ils savent très bien. Les sites Salafi sont clairs. N'importe quel site Salafi, tu rentres contre le terrorisme et ils ont les fatwas de savants. Al-Kufar, ils le savent très bien. Là, ils essayent de salir l'image. Esbir. Esbir, قال الله عز وجل, La tasma'unna. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله سبحانه وتعالى يلفهم أن أيها المسلم تنتندرى beaucoup de mal des paroles qui te font du mal des juifs des chrétiens des mushrikins des kuffar تنتندرى beaucoup ça نحن نتند jusqu'à aujourd'hui فالله سبحانه وتعالى قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. C'est ça la voix des prophètes. Tu patientes et tu crains Allah. Ils ne te feront aucun mal. قال عز وجل كذلك ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Allah سبحانه وتعالى informe qu'un groupe de gens du livre, من اليهود والنصارى, ils essayent de vous égarer les musulmans. قال عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم. Ils font que s'égarer eux. Toi, il te faut aucun mal tant que tu patientes et tu suis al-manhaj al-salafi. Fathabat. La personne yathbut wa yasbir wa yata'allam wa yaqra sirat al-salaf. Lis, Akhil Karim, beaucoup la biographie des salaf. Tu vas voir que c'est des personnes wafaqahum Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anta profite de ha'oula. Ta'ammal kalam al-imam al-awza'i. قال رحمه الله فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. شوف على كلام جميل. Il dit patiente, tu t'arrêtes ou qu'ils se sont arrêtés. Tu rajoutes pas à l'Islam et tu suis Sabil al-Salaf Salih, Inch'Allah, tu seras avec eux yawm al-Qiyam. Qala Isa al-Salam, Al-Mar'u ma'a man ahab yawm al-Qiyam. La personne, il est avec ceux qui l'aiment yawm al-Qiyam. Fassitam ha'oula, yawm al-Qiyam, tu seras avec eux. Al-Yahoud wal-Nasara, idfou'u ukamman. Wa qala kadhalika l'imam Awza'i, Alayka bi athar man salaf, wa in rafadaka al-Nas, wa iyaka wa ara al-Rijal, wa in zakhrafu laka bil-Qawm. Imam Aouzaï dit, accroche-toi au manhaj de salaf. Même si les gens ils te rejettent, ils te feront aucun mal. Laisse-les te rejeter. Inch'Allah, c'est un point en moins pour toi. Ils te feront aucun mal. Et fais attention à Ra al-Rijal. Les avis des personnes, fais attention s'ils ne sont pas fondés sur le kitab au sunna. Wa in zakhrafu laka bil qawl. Voilà aussi des belles paroles. Parle bien l'arabe, ikada. Voilà aussi, ce n'est pas fondé sur le kitab au sunna. Fais attention. Nas'alullah azza wa jal. بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على منهج السلف الصالح حتى نلقاه وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين حياكم الله عفوا التأخر